Orange GT. Orange GT. Non, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Quelle personne aurais-je été si j'étais né loin d'ici? Une autre couleur sur ma peau, d'autres problèmes, de soucis. Sous un autre ciel, un autre horizon, un autre pays. Une autre culture, des traditions, une religion aussi. Aurais-je été? Ha! Aurais-je été? Je ne sais pas. Aurais-je été? J'étais un Polonais de la Légion étrangère. J'aurais défendu ce pays qui me fait mordre la poussière. J'aurais banni l'amour, je n'aurais été fidèle qu'à la guerre. J'aurais défilé le 14 juillet comme un bon militaire. Aurais-je été? Aurais-je été? Je ne sais pas. Aurais-je été? Aurais-je eu l'envie d'accéder au pouvoir, de gouverner mon pays avec des promesses illusoires, d'être un président bling bling, de me gaver de caviar pendant que mon peuple meurt de faim et dort sur les trottoirs. Aurais-je vendu mon âme au diable pour une poignée de dollars, tronquer mon amitié contre des avions, des armes et des chars, une justice à deux vitesses et les pavures au placard. Aurais-je été élu le plus grand des connards? Aurais-je été? Ha! Aurais-je été? Je ne sais pas. Aurais-je été? Ha! Si j'étais noir dans le ghetto, sans un sou, serais-je gangsta? Aurais-je touché au crack, à l'héros, à la feuille de coca? Ma vie ne vaudrait pas si cher pour les vautours, les croque-morts. Aurais-je été impatient de plus dans le couloir de la mort? Aurais-je été? Ha! Aurais-je été? Je ne sais pas. Aurais-je été? Ha! Aurais-je été un taliban omnubilé par la foi? Réinscrirais l'histoire du livre saint, moi le prophète roi. Je déchirerais leurs pages sages, inventerais mes lois. Je mènerais le djihad contre l'Europe et les USA. J'enfermerais la beauté de mes femmes grillagées sous un drap. Leur inculquerais la discipline et de marcher au pas. La terre serait l'enfer pour nous les fous de Dieu ici-bas. Je serais mort au martyr sous les bombes d'un attentat. Aurais-je été? Ha! Aurais-je été? Je ne sais pas. Aurais-je été? Aurais-je été un homme seul que la vie laisse choir? J'aurais construit ma maison sous des cartons sur le trottoir. J'aurais senti l'indifférence des gens qui passent sans me voir. Aurais-je été celui qui meurt l'hiver, le pauvre clochard? Aurais-je été? Ha! Aurais-je été? Je ne sais pas. Aurais-je été? Ha! Aurais-je été un berger à Cargès ou encore Sica? Je mettrais la cagoule comme l'ont fait les résistants avant moi. Je défendrais mon honneur, mon île, je marquerais Liberta. Je pratiquerais l'autodéfense et même la vendetta. Je me rappelle de l'époque où ils sont venus dans les caves d'Aléria avec leur armée et leurs gendarmes contre carré notre combat. Fusils et guns contre des milliers d'hommes et des bazookas. Des années plus tard, lors d'un procès, l'histoire se répétera. Aurais-je été? Ha! Aurais-je été? Je ne sais pas. Aurais-je été? Ha! Aurais-je été? Je ne sais pas. Aurais-je été?